Ça c'est l'hymne du bordel. Ça c'est l'hymne du bordel. Luther Roma, fire. Fouchbeu, lève les bras au ciel, poteau. Aïe, brûle le bitume si t'es en bécane. Aïe, décapote si t'es en câble. Ça c'est le jour pour tous les fouteurs de merde, hein. Mister Chromatique. Ça c'est l'hymne du bordel. Pour agiter les rebelles. Ce dirty te met dans le move. C'est Chroma, faut que tu l'approuves. Va en l'air au point d'avoir des crampes. La ville ou fat en passement de jambes. Tout le monde se met dans l'ambiance. Sachez d'où vient ma provenance. Geste et vite, monte le son, histoire de faire kiffer les piétons. Bouge la tête, mets tes lunettes, tu feras bonne impression. Là tu rentres dans la tête, rejoins les mecs de ton espèce. Les glandeurs, bacareurs, bacards et dealers te cessent. Dans la ville on se représente tout seul, donc nique sa mère le maire. Rien qu'on tape pour nos quartiers, même pas on nous rémunère. Donc ma deux fois que pour le bloc, on fait qu'aboyer comme des dogs. Je prends des notes ou je te bois devant ta gueule, je bats mes rottes. Apprécie cette bonne odeur, je te mets au parfum mieux qu'à Sephora, un bonheur. T'as plus que je dégage, dès que j'arrive, il se dégage. Y'a trop de décalage, restez au zéro, moi je crains pas les tâches. Trop de FLO, normal c'est CRO, le reste tu le négo, v'là la voix du ghetto. J'm'installe normal, c'est ça, fait mal pour de vrai, ça le fait. Puis après tout, j'm'en fous, j'nique tout pour que ça fasse des sales. C'est l'hymne du bordel, pour agiter les rebelles. Ce dirty te met dans le move. C'est Chroma, faut que tu l'approuves. Va en l'air au point d'avoir des crampes. La ville ou fat en passement de jambes. Tout le monde se met dans l'ambiance. Sachez d'où vient ma provenance. J'tire jamais qu'une latte quand j'fume le rap. Avoue que ça épate de voir tant de patates. J'éclate tous les stats et ça depuis longue date. Crois pas que j'suis rabat, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Les MC ont le seum devant leur feuille, cherchent l'inspi et s'énervent tout seul. Arrête, c'est pas pour toi, ton rap a la même gueule que Steve Urkel. Ta chaîne LD, j'ai la voix qui mit. Bien sûr que ça, on écoute chez la rap. Les murs ont des oreilles, t'es sûr. S'ils apprécient mes sons, je leur offrirai une peinture. Je te jure, te rassure, je te mens hard dans mon rap. Si t'aimes hard, je m'en tape, je reste vulgaire envers la PAC. Négro, oh oh, du taf de pro, oh oh. Retiens le 2, comprends le numéro 9-2-3-2-0. Nouvelle génération, innovation en quantité. Détermination, ambition, authenticité. Ça c'est l'hymne du bordel. Pour agiter les rebelles. Ce dirty te met dans le move. C'est Chroma, faut que tu l'approuves. Va en l'air au point d'avoir des crampes. La ville ou fat en passement de jambes. Tout le monde se met dans l'ambiance. Sachez d'où vient ma provenance. Maroc, Algérie, Tunisie. Sénégal, Mali, Mauritanie. Guinée, Bénin, Libye, Congo. Cameroun, Niger, Gabon, Togo. Madinina, Réunion, Guada. Angola, Nigeria, Rwanda. Afrique du Sud, Côte d'Ivoire. Les Comores et Madagascar. Tous les continents, les départements. C'est comme ça qu'on fait les choses. On représente ça bien. Toi, tu vas leur faire peur. Hey, celle-là, poteau, c'est pour tous les mecs d'en bas qui sont postés en bas du TK et qui attendent juste de racoler. Hey, tu vas te reconnaître dedans un coup. La vie de ma mère, tu l'as déjà fait. Hey, la tête de homme que tu l'as déjà fait, ça. Écoute.